Chapitre 33e. Un ministre des Finances. Nous avons vu que la reine, avant de recevoir André, avait lu un billet de Madame de Lamothe et qu'elle avait souri. Ce billet renfermait seulement ces mots, avec toutes les formules possibles de respect, et votre majesté peut être assurée qu'il lui sera fait crédit et que la marchandise sera livrée de confiance. Donc la reine avait souri et brûlé le petit billet de Jeanne. Lorsqu'elle se fut un peu assombrie en la société de Mademoiselle de Tavernay, Madame de Misery va lui annoncer que M. de Calonne attendait l'honneur d'être admis auprès d'elle. Il n'est pas hors de propos d'expliquer ce nouveau personnage au lecteur. L'histoire le lui a assez fait connaître, mais le roman, qui dessine moins exactement les perspectives et les grands traits, donne peut-être un détail plus satisfaisant à l'imagination. M. de Calonne était un homme d'esprit, d'infiniment d'esprit même, qui, sortant de cette génération de la dernière moitié du siècle, peu habitué aux larmes, bien que raisonneuses, avait pris son parti du malheur suspendu sur la France, mêlé son intérêt à l'intérêt commun, disait comme Louis XV, « Après nous la fin du monde », et cherchait partout des fleurs pour parer son dernier jour. Il savait les affaires, était homme de cour. Tout ce qu'il eut de femmes illustres par leur esprit, leur richesse et leur beauté, il l'avait cultivé par des hommages pareils à ceux que l'abeille rend aux plantes chargées d'arômes et de sucre. C'était alors le résumé de toutes les connaissances que la conversation de 7 à 8 hommes et de 10 à 12 femmes. M. de Calonne avait pu compter avec D'Alembert, raisonner avec Diderot, railler avec Voltaire, rêver avec Rousseau. Enfin, il avait été assez fort pour rire au nez de la popularité de M. Necker. M. Necker, le sage et le profond, dont le compte-rendu avait paru éclairer toute la France. Calonne, l'ayant bien observé sur toutes ses faces, avait fini par le rendre ridicule aux yeux même de ceux qui le craignaient le plus, et la reine et le roi, que ce nom faisait tressaillir, ne s'étaient accoutumés qu'en tremblant à l'entendre bafouer par un homme d'état élégant, de bonne humeur, qui, pour répondre à tant de beaux chiffres, se contentait de dire « À quoi bon prouver qu'on ne peut rien prouver ?» En effet, Necker n'avait prouvé qu'une chose, l'impossibilité où il se trouvait, de continuer à gérer les finances. M. de Calonne, lui, les accepta comme un fardeau trop léger pour ses épaules, et dès les premiers moments, on peut dire qu'il plia sous le fait. Que voulait M. Necker? Des réformes. Ces réformes partielles épouvantaient tous les esprits. Peu de gens y gagnaient, et ceux qui y gagnaient peu de choses. Beaucoup, au contraire, y perdaient, et y perdaient trop. Quand Necker voulait opérer une juste répartition de l'impôt, quand il entendait frapper les terres de la noblesse et les revenus du clergé, Necker indiquait brutalement une révolution possible. Il fractionnait la nation et l'affaiblissait d'avance quand il eut fallu concentrer toutes ses forces pour l'amener à un résultat général de rénovation. Ce but, Necker le signalait et le rendait impossible à atteindre par ceux-là seulement qu'il le signalait. Parler d'une réforme d'abus à ceux qui ne veulent point que ces abus soient réformés, n'est-ce pas s'exposer à l'opposition des intéressés? Faut-il prévenir l'ennemi de l'heure à laquelle on donnera l'assaut à une place? C'est ce que Calonne avait compris. Plus réellement ami de la nation, en cela que le Genevois Necker. Plus ami, disons-nous, quant aux faits accomplis, car au lieu de prévenir un mal inévitable, Calonne accélérait l'invasion du fléau. Son plan était hardi, gigantesque, sûr. Il s'agissait d'entraîner en 2 ans vers la banqueroute le roi et la noblesse, qui l'eussent retardé de 10 ans. Puis la banqueroute est en fait de dire « Maintenant, riches, payez pour les pauvres, car ils ont faim, et dévoreront ceux qui ne les nourriront pas. » Comment le roi ne vit-il pas tout d'abord les conséquences de ce plan ou ce plan lui-même? Comment lui, qui avait frémi de rage en lisant le compte-rendu, ne frissonna-t-il pas en devinant son ministre? Comment ne choisit-il pas entre les deux systèmes et préféra-t-il se laisser aller à l'aventure? C'est le seul compte réel que Louis XVI, homme politique, ait à régler avec la postérité. C'était ce fameux principe auquel s'oppose toujours quiconque n'a pas assez de puissance pour couper le mal alors qu'il est invétéré. Mais pour que le bandeau se soit épaissi de la sorte aux yeux du roi, pour que la reine, si clairvoyante et si nette dans ses aperçus, se soit montrée aussi aveugle que son époux sur la conduite du ministre, l'histoire, on devrait plutôt dire le roman, c'est ici qu'il est le bienvenu, va donner quelques détails indispensables. M. de Calonne entra chez la reine. Il était beau, grand de taille et noble de manière. il savait faire rire les reines et pleurer ses maîtresses. Bien assuré que Marie-Antoinette l'avait mandé pour un besoin urgent, il arrivait le sourire sur les lèvres. Tant d'autres fussent venus avec une mine renfrognée pour doubler plus tard le mérite de leur consentement. La reine aussi fut bien gracieuse. Elle fit asseoir le ministre et parla d'abord de mille choses qui n'étaient rien. « Avons-nous de l'argent ? » dit-elle ensuite. « Mon cher monsieur de Calonne, de l'argent ?» s'écria monsieur de Calonne. « Mais certainement, madame, que nous en avons. Nous en avons toujours. »« Voilà qui est merveilleux, » reprit la reine. « Je n'ai jamais connu que vous pour répondre ainsi à des demandes d'argent. Comme financier, vous êtes incomparable. » « Quelle somme faut-il à votre majesté ? » répliqua Calonne. « Expliquez-moi d'abord, je vous prie, comment vous avez fait pour trouver de l'argent là où M. Necker disait qu'il n'y en avait pas. » « M. Necker avait raison, madame. Il n'y avait plus d'argent dans les coffres. Et cela est si vrai que le jour de mon abonnement au ministère, le 5 novembre 1783, on n'oublie pas ces choses-là, madame. En cherchant le trésor public, je ne trouvais dans la caisse que 2 sacs de 1200 livres. Il n'y avait pas un denier de moins. » La reine se mit à rire. « Eh bien, » dit-elle, « eh bien, madame, si M. Necker, au lieu de dire « il n'y a plus d'argent », se fut mis à emprunter, comme je l'ai fait, 100 millions la première année et 125 la seconde, s'il était sûr, comme je le suis, d'un nouvel emprunt de 80 millions pour la troisième, M. Necker eût été un vrai financier. Tout le monde peut dire « il n'y a plus d'argent dans la caisse », mais tout le monde ne sait pas répondre « il y en a ». C'est ce que je vous disais, c'est sur quoi je vous félicitais, monsieur. Comment paiera-t-on ? Voilà la difficulté. « Oh, madame !» répondit Calonne, avec un sourire dont nul œil humain ne pouvait mesurer la profondeur, l'effrayante signification. « Je vous réponds bien qu'on paiera. »« Je m'en rapporte à vous, » dit la reine, « mais causons toujours finance. Avec vous, c'est une science pleine d'intérêt. Ronce chez les autres, elle est un arbre à fruits chez vous. » Calonne s'inclina. « Avez-vous quelques nouvelles idées ? » demanda la reine. « Donnez-moi la primeur, je vous prie. » « J'ai une idée, madame, qui mettra 20 millions dans la poche des Français et 7 ou 8 millions dans la vôtre. Pardon, dans la caisse de Sa Majesté. » « Ces millions seront les bienvenus, d'ici et là. Par où arriveront-ils ? » ?»« Votre Majesté n'ignore pas que la monnaie d'or n'a point la même valeur dans tous les États de l'Europe. Je le sais. En Espagne, l'or est plus cher qu'en France. » « Votre Majesté a parfaitement raison, et c'est un plaisir que de causer finance avec elle. » L'or vaut en Espagne, depuis 5 à 6 ans, 18 onces de plus par marque en France. Il en résulte que les exportateurs gagnent sur un marque d'or qu'ils exportent de France en Espagne la valeur de 14 onces d'argent à peu près. « C'est considérable, » dit la reine. « Si bien que dans un an, » continua le ministre, « si les capitalistes savaient ce que je sais, il n'y aurait plus chez nous un seul louis d'or. Vous allez empêcher cela. Immédiatement, madame. Je vais hausser la valeur de l'or à 15 marques 4 onces, un 1/15 de bénéfice. Votre Majesté comprend que pas un louis ne restera dans les coffres quand on saura qu'à la monnaie, ce bénéfice est donné aux porteurs d'or. La refonte de cette monnaie se fera donc, et dans le marque d'or, qui contient aujourd'hui 30 louis, nous en trouverons 32. Bénéfice présent, bénéfice futur, s'écria la reine. C'est une idée charmante qui fera fureur. Je le crois, madame. Et je suis bien heureux qu'elle ait si complètement obtenu votre approbation. Et ils ont toujours de pareil, et je suis bien certaine alors que vous paierez toutes nos dettes. Permettez-moi, madame, dit le ministre, de revenir à ce que vous désirez de moi. Serait-il possible, monsieur, d'avoir en ce moment, quelle somme ? Oh, beaucoup trop forte, peut-être. Calonne sourit d'une manière qui encourageait la reine. 500 000 livres, dit-elle. Ah, madame, s'écria-t-il. « Quelle peur, votre majesté m'a faite. J'ai cru qu'il s'agissait d'une vraie somme. Vous pouvez donc ?»« Assurément. »« Sans que le roi... »« Ah, madame, voilà qui est impossible. Tous mes comptes sont chaque mois soumis au roi. Mais il n'y a pas d'exemple que le roi les ait lus, et je m'en honore. Quand pourrais-je compter sur cette somme ? Quel jour votre majesté en a-t-elle besoin ? Au 5 du mois prochain seulement. Les comptes seront ordonnancés le 2. Vous aurez votre argent le 3, madame. » « Monsieur de Calonne, merci. »« Mon plus grand bonheur est de plaire à votre majesté. Je la supplie de ne jamais se gêner avec ma caisse. Ce sera un plaisir tout d'amour-propre pour son contrôleur général des finances. » Il s'était levé avait salué gracieusement. La reine lui donna sa main à baiser. « Un mot encore, » dit-elle. « J'écoute, madame. Cet argent me coûte un remords. »« Un remords, » dit-il. « Oui, c'est pour satisfaire un caprice. » « Tant mieux, tant mieux. Sur la somme alors, il y aura au moins moitié de vrais bénéfices pour notre industrie, notre commerce ou nos plaisirs. »« Au fait, c'est vrai, » murmure la reine, « et vous avez une façon charmante de me consoler, monsieur. »« Dieu soit loué, madame. N'ayons jamais d'autre remords que ceux de votre majesté, et nous irons droit au paradis. »« C'est que voyez-vous, monsieur de Calonne, ce serait trop cruel pour moi de faire payer mes caprices au pauvre peuple. » »« Eh bien, » dit le ministre, en appuyant avec son sourire sinistre sur chacune de ses paroles, « n'ayons non plus de scrupules, madame, car je vous le jure, ce ne sera jamais le pauvre peuple qui paiera. »« Pourquoi ?» dit la reine surprise. « Parce que le pauvre peuple n'a plus rien, » répondit imperturbablement le ministre, « et que là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. » Il salua et sortit.